Je n'ai plus même pitié de moi, puis exprimer mon tourment. Tous les mots que j'avais à dire se sont changés en étoiles, en étoiles, en étoiles. Un écart tente de s'élever jusqu'à chacun de mes yeux, les porteurs de soleil.